Hey girl, listen to me. Pas qu'à comprendre comment nous y est à dans la vie. Qu'à chercher, qu'à fouiller, pour trouver l'amour. Qui m'en est pour y est, qui m'en est pour pas, pour éviter tout ça, right? Would you refer my job? Ha ha ha.